L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmet et David Zen Merowitz. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Troisième épisode. Toute la question est de tuer le temps. J'ai fini par ne plus m'ennuyer du tout à partir de l'instant où j'ai appris à me souvenir. Je me mets quelquefois à penser à ma chambre. Et, en imagination, je pars d'un coin pour y revenir, en dénombrant mentalement tout ce qui se trouve sur mon chemin. Au début, c'était vite fait. Mais chaque fois que je recommence, c'est un peu plus long. Car je me souviens de chaque meuble, et pour chacun d'entre eux, de chaque objet qui s'y trouve, et pour chaque objet, de tous les détails. Et pour les détails eux-mêmes, une incrustation, une fêlure ou un bord ébréché, de leur couleur ou de leur grain. En même temps, j'essaie de ne pas perdre le fil de mon inventaire, de faire une énumération complète, si bien qu'au bout de quelques semaines, je peux passer des heures rien qu'à dénombrer ce qui se trouve dans ma chambre. Je comprends alors qu'un homme qui n'aurait vécu qu'un seul jour peut sans peine vivre 100 ans dans une prison. Il aura assez de souvenirs pour ne pas s'ennuyer. Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. C'est parce que je manquais. Bon, vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère et vous ne pouviez pas subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde, vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. Mais oui, monsieur le docteur. C'est votre mère qui est là? Oui. Elle était vieille. Comme ça. Le chien de Salamano. Il avait pris de son patron une sorte d'allure voûtée, le museau en avant et le cou tendu. À ce moment, c'était au vieux Salamano de tirer son chien. Quand le chien avait oublié, il entraînait de nouveau son maître et il était de nouveau battu et insulté. Alors, ils restaient tous les deux sur le trottoir et ils se regardaient. Le chien avec terreur, l'homme avec haine. Quand le chien voulait uriner, le vieux ne lui en laissait pas le temps et le tirait, l'épagnole semant derrière lui une traînée de petites gouttes. Bien long. Il y a 8 ans que cela dure. Eh ben, salaud. Bonsoir. Bonsoir, salaud. Charol. Bonsoir. Charol, salaud. Et qu'est-ce qui vous a fait, ce chien? Il est toujours là. Rien. C'est pas malheureux. Ça ne vous dégoûte pas? Non. Raymond Saintès. C'est mon deuxième voisin de palier. Il est assez petit, avec de larges épaules et un nez de boxeur. Il est toujours habillé très correctement. Dans le quartier, on dit qu'il vit des femmes. Quand on lui demande son métier, il est magasinier. En général, il n'est guère aimé. Il me parlait souvent et quelquefois il passait un moment chez moi parce que je l'écoutais. Je trouvais que ce qu'il disait était intéressant. D'ailleurs, je n'avais aucune raison de ne pas lui parler. J'ai chez moi du boudin et du vin. Si vous voulez manger un morceau avec moi... J'ai pensé que cela m'éviterait de faire la cuisine et j'ai accepté. Lui aussi n'a qu'une chambre, avec une cuisine sans fenêtre. Au-dessus de son lit, il a un ange en stuc blanc et rose, des photos de champions et 2 ou 3 clichés de femmes nues. La chambre était sale et le lit défait. Il avait sorti un pansement assez douteux de sa poche et avait enveloppé sa main droite. Vous avez quoi, la main? Une bagarre avec un type qui me cherchait des histoires. Vous comprenez, monsieur Meursault, c'est pas que je suis méchant, mais je suis vif. Et l'autre, il m'a dit, descends du tram si t'es un homme. Je lui ai dit, allez, reste tranquille. m'a dit que j'étais pas un homme. Alors je suis descendu et je lui ai dit « Assez, hein, ça vaut mieux ou je vais te mûrir. » Il m'a répondu « De quoi ?» Ben alors je lui en ai donné un, quoi. Mais il est tombé. Moi j'allais le relever, mais il m'a donné des coups de pied de par terre. Alors je lui ai donné un coup de genou et de taquet. Il avait la figure en sang. Je lui ai demandé s'il avait son compte, et il m'a dit oui. Hein? Vous voyez que je ne l'ai pas cherché. Hein? C'est lui qui m'a manqué. C'est vrai. Et justement, je voulais vous demander un conseil au sujet de cette affaire. Vous êtes un homme qui connaît la vie. Vous pouvez m'aider. Ensuite, vous serez mon copain. Vous voulez être mon copain? Ça m'est égal. Était-il votre ami? Oui. Quels étaient ses moyens d'existence? Il se disait magasinier. De notoriété générale, il exerçait le métier de souteneur. Ça m'est égal. Il y a des choses qui m'échappent dans votre geste. Je suis sûr que vous allez m'aider à les comprendre. À la vôtre. J'ai connu une dame. C'était pour ainsi dire ma maîtresse. Je l'entretenais. L'homme avec qui je me suis battu, c'est le frère de cette dame. Comme je ne répondais pas, il a tout de suite ajouté qu'il savait ce qu'on disait dans le quartier. Mais qu'il avait sa conscience pour lui. Je suis magasinier. Alors, pour en revenir à mon histoire, je me suis aperçu qu'il y avait de la tromperie. Je lui payais le loyer de sa chambre, il donnait 20 francs par jour pour la nourriture. 300 francs de chambre, 600 francs de nourriture, une paire de bas, de temps en temps, ça faisait 1000 francs. Et madame ne travaillait pas. Pourtant, je lui disais, pourquoi tu travailles pas une demi-journée? Je t'ai acheté un ensemble ce mois-ci et toi, tu prends le café après-midi avec tes amis. Ouais. Tu leur donnes le café et le sucre, moi, je te donne l'argent. J'ai bien agi avec toi et toi, tu me le rends mal. Il m'a encore raconté qu'il avait trouvé un billet de loterie dans son sac et qu'elle n'avait pas pu lui expliquer comment elle l'avait acheté. Il avait aussi trouvé chez elle une indication du Mont-de-Piété qui prouvait qu'elle avait engagé... Deux bracelets dont j'ignorais l'existence. J'ai bien vu qu'il y avait tromperie. Alors je l'ai quitté. Mais d'abord, je l'ai tapé. Et puis je lui ai dit ses vérités. Que tout ce qu'elle voulait, c'était s'amuser avec sa chose. Mais, comme je lui ai dit, monsieur Meursault, tu ne vois pas que le monde, il est jaloux du bonheur que je te donne? Tu connaîtras plus tard le bonheur que tu avais. Hein, monsieur Meursault, qu'il y avait de la tromperie. Il me semble bien. Je dois la punir, alors. Mais je comprends que vous vouliez la punir. Mais vous, monsieur Meursault, que feriez-vous à ma place? On peut jamais savoir. Je la tapais. Mais tendrement, pour ainsi dire. Il l'avait battue jusqu'au sang. Elle criait un peu. Il m'a expliqué alors que c'était pour cela qu'il avait besoin d'un conseil. Moi, je l'écoutais toujours. Mais maintenant, c'est sérieux. J'avais bu près d'un litre de vin et j'avais très chaud aux tempes. Je l'ai pas assez puni. Je fumais des cigarettes de Raymond parce qu'il ne m'en restait plus. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai encore un sentiment pour son coït. Je veux la punir. J'avais d'abord pensé à l'emmener dans un hôtel et à appeler les mœurs pour causer un scandale et la faire mettre en carte. Ensuite, je me suis adressé à des amis dans le milieu. Ils m'ont proposé de la marquer. Mais c'est pas ce que je veux. Monsieur Meursault, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Je n'en pense rien, mais je trouve que c'est intéressant. J'ai encore bu un peu de vin. Il a allumé une cigarette, il m'a découvert son idée. Il voulait lui écrire une lettre. Avec des coups de pied et en même temps des choses pour la faire regretter. Après, quand elle reviendrait, il coucherait avec elle et... Juste au moment de finir... Il lui cracherait à la figure et il la mettrait dehors. Je trouve en effet que de cette façon, elle serait punie. Mais je ne suis pas capable de faire la lettre qu'il faut. J'ai pensé que vous... Comment il se fait que la lettre qui est à l'origine du drame ait été écrite par vous ? C'est un hasard. Le hasard a déjà beaucoup de méfaits sur la conscience dans cette histoire. Je voudrais savoir si c'est par hasard que vous n'êtes pas intervenu quand Saint-Ès a giflé sa maîtresse quelques jours plus tard. Par hasard que vous avez servi de témoin pour lui au commissariat. Par hasard encore que vos déclarations lors de ce témoignage se sont révélées de pure complaisance. Est-ce que vous regrettez votre acte ? Plutôt que du regret véritable, j'éprouve un certain ennui. Je n'ai jamais vu d'âme aussi endurcie que la vôtre. Bon, racontez-moi la lettre. Il avait soigneusement essuyé la toile cirée de la table. Il avait pris dans un tiroir de sa table de nuit une feuille de papier quadrillé, une enveloppe jaune, un petit porte-plume de bois rouge et un encrier carré d'encre violette. Quand il m'a dit le nom de la femme, j'ai vu que c'était une mauresque. J'ai fait la lettre. Je l'ai écrite un peu au hasard. Mais je me suis appliqué à contenter Raymond, parce que je n'avais pas de raison de ne pas le contenter. Puis j'ai lu la lettre à haute voix. Je savais bien que tu connaissais la vie. Maintenant, t'es un vrai copain. Cela m'était égal d'être son copain. Il a cacheté la lettre, et nous avons fini le vin. Alors maintenant, c'est un vrai copain. Oui, mais il est tard. Je le pense aussi. Le temps passe vite. C'est vrai. J'avais sommeil, mais j'avais de la peine à me lever. J'ai dû avoir l'air fatigué. Faut pas se laisser aller, mon vieux. Mais non, pourquoi ? J'ai appris la mort de ta maman. Ça devait arriver un jour ou l'autre. C'est aussi mon avis. Je me suis levé. Raymond m'a serré la main très fort et m'a dit... Entre hommes, on se comprend toujours. En sortant de chez lui, j'ai refermé la porte et je suis resté un moment dans le noir, sur le palier. La maison était calme et des profondeurs de la cage d'escalier montait un souffle obscur et humide. Je n'entendais que les coups de mon sang qui bourdonnaient à mes oreilles. Je suis resté immobile. Monsieur Salamano, vous avez l'air agité. Où est votre chien ? Qu'avez-vous, Salamano ? Où est votre chien ? Il est parti. Hein ? Il est parti. Allô ? Pourquoi il est parti ? Nous nous sommes quittés sur le palier. Un moment après, j'ai entendu le pas du vieux et il a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert... Il est resté un moment sur le seuil et il m'a dit... Excusez-moi. Excusez-moi. Au début de ma détention, ce qui était le plus dur, c'est que j'avais des pensées d'homme libre. L'envie me prenait d'être sur une plage et de descendre vers la mer. À imaginer le bruit des premières vagues sous la plante de mes pieds, l'entrée du corps dans l'eau et la délivrance que j'y trouvais, je sentais tout d'un coup combien les murs de ma prison étaient rapprochés. Cela dura quelques mois. Ensuite, je n'ai eu que des pensées de prisonnier. J'attendais la promenade quotidienne ou la visite de mon avocat. J'ai souvent pensé alors que si l'on me faisait vivre dans un tronc d'arbre sec, sans autre occupation que de regarder la fleur du ciel au-dessus de ma tête, je m'y serais peu à peu habitué. J'attendrais des passages d'oiseaux ou des rencontres de nuages, comme j'attends ici les curieuses cravates de mon avocat, et comme dans un autre monde, je patientais jusqu'au samedi pour étreindre le corps de Marie. Or, à bien réfléchir, je ne suis pas dans un arbre sec. Il y a plus malheureux que moi. C'était d'ailleurs une idée de maman, et elle le répétait souvent, qu'on finit par s'habituer à tout. Le jour de mon arrestation, on m'a d'abord enfermé dans une chambre où il y avait plusieurs détenus, la plupart des Arabes. Ils ont ri en me voyant. Puis ils m'ont demandé ce que j'avais fait. J'ai dit, j'ai tué un Arabe. Ils sont restés silencieux. Et le soir est tombé. L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmet et David Zen Merowitz. Troisième épisode. Avec Jean-Michel Dupuis, Meursault, Daniel Laloux, Salamano, Jean-Claude Leguet, Raymond Saintès, Christian Pereira, le juge d'instruction, Kader Kada, Majid Bouali, Majid Ziwan, les détenus arabes, et Michel Robin, Jean-Jacques Chollet et Vanessa Lapierre. Musique originale et contrebasse, Hélène Labarrière. Prise de son au Maroc, Nicole Marmet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Marie-Dominique Bougot, Marie-Thérèse Ferrand. Assistante, Anne de Belchin. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.